toujours chargé à bloc, rappelons sur rue, jamais à la légère. Je te donne du lourd sur tes vertèbres, ma suite, c'est toi qui gères. C'est le sein frais sur cette arène nommée VR, te joue S. De ce moment, je te fais profiter l'intégrale de mes richesses, venues de 13 et au taquet, je dresse. Mais je n'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est toi qui manges, mais demain, c'est toi le repas. À la fois, je charge mes rimes, avec mes rimes, je tire des balles. Les rimes qui font pas saigner, mais qui font autant de mal. M.I.C. mon âme qui charge la poudre dans mes mots qui sont des balles. J'ai un guerrier dans ma peau et je suis prêt pour la bataille. Alors fais pas la racaille tant que tu sais pas si tu es prêt. Retiens ton souffle jusqu'à entendre la fin de succéder. Tu veux la guerre? C'était plan. Tu veux la guerre? On va te la faire, ok? Cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno, cogno